en main moite, frisson dans tout le corps. Oui. Petite gueulasse. Oui. Mais classe. À l'anglaise. Avec moustache. Oxford. Regarde. Ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous. Chaussettes. Oh my God. No God. No God. Please no. Mais comment lancer un podcast qui cartonne? Une bisque, deux versions. Le bisque cast. Salut à tous, je suis Morgan et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode du Bizcast sur Radio Fadjet. Si Radio Fadjet c'est plus qu'une radio, et ben sachez que le Bizcast c'est plus qu'un podcast. En effet, le Bizcast, qu'est-ce que c'est? Alors pour une description plus complète, je vous laisserai nous rechercher sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook, etc. Mais si je devais personnellement le décrire, je dirais que le Bizcast c'est une émission détente, comme j'aime à l'appeler, une émission d'humour mais aussi une émission d'actu très insolite. Et en parlant d'insolite, j'aimerais vous présenter mon cher co-animateur. Si je suis le ying, il est le yang. Si je suis stone, il est Chardin. Oh. Enfin, si je suis un après-midi ensoleillé au bord de la piscine, il est le cocktail de jus de fruits qui vient vous rafraîchir. Je parle bien sûr de Valentin. Salut Val. Ça va? Oui, on va parler en même temps comme tout, ça. En fait, on est vraiment un binôme, on est fusionnés. Oui, vraiment. Ça va être très agréable. On a présenté l'émission, on a présenté les animateurs. Passons maintenant à notre chroniqueur pour cet épisode. Et peut-être pour les prochains, s'il veut bien. Il est à la pointe de la technologie et de la joie de vivre. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Marc-Olivier. Salut Marco. Salut Marco. Hello les gars, ça va? Ça va les gars? Ça va, nickel. On est très contents de vous retrouver. Ouais, dans ce petit cocon là. C'est ça, dans une ambiance qui change du salon. Ouais, ouais. Dans ce studio de Fadjet. Mm-hmm. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors, avec un petit jeu. Excuse-moi, je te coupe la parole. Pour finir cette introduction, j'aimerais vous rappeler justement que vous écoutez cette émission sur Radio Fadjet parce que peut-être, c'est peut-être plus qu'une radio, mais c'est une radio quand même. Alors elle est captable à la fréquence 94.2 en Lorraine, mais si vous voulez aussi la retrouver sur fadjet.net, où que vous soyez. Je te laisse maintenant la main, mon cher Val. T'as bien raison de rappeler qu'on a été accueillis à bras ouverts à Radio Fadjet et qu'on est très très content, très très content d'être là. Et du coup, pour ouvrir l'émission, je vous propose un petit jeu. Avec plaisir. Vas-y. Le bisque prouve que tu existes. Le bisque prouve que tu existes. Un animal qu'on pensait qu'il n'existe pas, mais qu'il existe. Alors, le bisque prouve que tu existes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous donner quatre actualités insolites. Ouais. Dans les quatre que je vous donne, il y en a une qui est totalement fausse, okay, inventée par mon cerveau malade. Oui, mais plein d'imagination. Du coup. Wow, ça, je vous laisserai des trésors à vous, chers auditeurs. Et du coup, je commence par la première actualité. Un touriste allemand doit être amputé de son pénis après un marathon sexuel de 24 heures. Donc ça, voilà. C'est une actualité qui est possiblement vraie. Possiblement vraie ou pas. Possiblement fausse. Voilà. Mais on va en débattre quand même. C'est ça. Et à la fin de toutes tes actualités, il va falloir choisir laquelle est fausse, laquelle est vraie. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Donc, okay. Voilà. Donc ça, dans le principe, il y a une possibilité quand même. C'est-à-dire que c'est... Je pense que tu vas te dire que toutes les actualités sont possibles. Oui, mais elles sont toutes aussi insolites. Est-ce que vous voulez que je vous les énumère tous et on en parle après ou... Ouais, vas-y. La deuxième actualité, mordu à la tête par un crocodile, un Américain parvient à le maîtriser en lui infligeant une technique de soumission. Oh, Ça, c'est possible. Ouais. C'est chaud, quand même. La troisième. C'est des Américains, quand même. Ne jamais les sous-estimer. C'est vrai, ils sont capables de tout. La troisième actualité, c'est un Américain a perdu plus de 20 kilos en mangeant McDo 3 fois par jour. Encore un Américain, j'ai envie de dire. A pris 20 kilos. A perdu 20 kilos. Ah, mais genre, il prenait qu'une pomme pote ou... Et la quatrième actualité, attristée par la mort de son chat, elle le congèle afin d'être avec lui pour toujours. Okay. Voilà, donc, les quatre actualités. Les quatre actualités, c'est ça. Est-ce qu'il y en a déjà une ou... La première, ça a l'air trop what the fuck. Le pénis coupé. Ouais, le pénis coupé pour le marathon, là. Oh, je sais pas. Ah, quel est le rapport avec... Alors, je sais pas comment ça marche, ces choses-là. C'est pas un marathon de course, hein. Non, c'est l'actuel... Ah, moi j'étais sur un marathon de course à pied. Non, il a dit c'est un marathon sexuel. Le titre de l'actualité c'est un touriste allemand doit être amputé de son pénis après un marathon sexuel de 24 heures. T'avais loupé le détail. La fin. Effectivement. Ça avait sa part d'importance dans ça, le... Oui. Après, c'est il logique. Avait mordu à la tête par un crocodile, un Américain parvient à le maîtriser en lui infligeant une technique de soumission. J'ai envie de vous poser une question. Ouais. Moi, j'ai une question aussi. Est-ce que c'est Chuck Norris? Possiblement, mais moi, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà battu contre des animaux? J'avais vu une vidéo d'un gars qui met une droite à un kangourou en Australie, ça m'avait vachement, ça me fait beaucoup rire parce que vraiment le kangourou. Oui, oui je vois la vidéo, mais ça c'était pas un fake là, la patate de forain. Non, je crois que c'est du vrai. Vraiment, tu vois le kangourou, il est limite vexé, il s'y attendait pas. Oui, il est choqué. Oui. Après, c'est le pays où tous les animaux ont envie de te tuer. Ouais, c'est très clairement. Très clairement. Mais du coup. Alors que l'Amérique, c'est les humains qui veulent te tuer. Oui. Bon. Et du coup, est-ce que vous êtes déjà battu contre un animal? Un animal, un insecte. J'ai écrasé des mouches. Oui, voilà. C'est ce qu'on me demande. Mmh. Après, non, j'ai à part pas... le chat de la famille, non. Ouais. Est-ce que vous vous sentirez capable de... Un alligator? De se battre, pas en rêve. De se battre. Genre, vous voyez des animaux, vous vous dites, lui, je peux le prendre en baston. Régulièrement. Je traverse la rue, je me dis, le Doberman, s'il me regarde mal, je me le fais. Le petit chihuahua, là, allez, il est pour moi. Moins courageux, en fait. Après, il y avait... Un Américain qui a perdu plus de 20 kilos en mangeant McDo 3 fois par jour. Ça, ça vous semble impossible ou pas? C'est antinomique presque. Oui, c'est ça, pas en sens, mais oui. Est-ce que vous avez un petit péché mignon comme ça où vous dites si je dois faire un régime mais en mangeant un truc un peu gras ou péché mignon, je mangerai ça, vous... Ouais, mais ça marcherait pas, quoi. Dans la vraie vie. Non, ça, c'est pas possible, c'est pas logique. Juste comme ça, on fantasme. Bah, en plus, surtout, le McDo, c'est vraiment le truc sale. Comment tu peux perdre 20 kilos? Bah, je te dis, tu prends que la salade. Ou t'es malade, tu vois. T'es malade de trop manger McDo. Après, aller c'était au McDo ça. Et manger une salade, ça marche. Ça, oui, mais ça a pas trop de sens. Non, mais manger 3 fois par jour au McDo, ça a pas trop de sens. Oui, non, oui, il a fait quand vrai, même. C'est vrai. Mais t'as pas mangé 3 fois des salades, tu vois. Bah, mais si tu perdais du poids, je sais pas. Du coup, je tiens à dire que vous m'avez toujours pas répondu. Non, mais on débat. Essayez de nous avoir, on a envie de. Sur la question, si vous deviez faire un régime avec un aliment ou un restaurant, avec quoi? Mais un régime. Fantasmé, on va dire. Donc, c'est-à-dire si on mangeait que ça, ça marcherait. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Bah, moi, genre, c'est un plat qu'on peut manger tous les jours sans être dégoûté. Ouais, c'est ça. Fait. Bah, ouais, un peu ça. Ouais, je sais pas. Ça jouerait entre le Nutella et la pâte à la bolognaise. Je sais pas si on cherche sucré salé. Tous les jours, manger du Nutella et perdre 20 kilos, ça serait. Non, mais si ça marchait, ça serait beau. Ouais, ça serait beau. Marco, t'as un truc, toi? Moi, je dirais oui, plus ce resto italien ou une petite pizza. C'est vrai que la pizza c'est vraiment le joker parce qu'on peut tout mettre sur une pizza. Tout. On tu peut mettre tout. Le Nutella sur la pizza, c'est pour ça. Tu peux. Complètement. Les Italiens les vrais vomissent, mais ça peut, c'est possible. Et du coup, la dernière actualité c'était attristé par la mort de son chat, elle le congèle pour le garder pour toujours. Ça paraît vraisemblable. Vous seriez capable de ce genre de... Non, parce qu'on est relativement équilibré psychologiquement, mais ça paraît vraisemblable. Ah, entre les nuggets et les potatoes au congèle, il y a le chat, quoi. Faut pas le mettre dans le micro-ondes, il décongèle très mal. Non, mais après, tu te dis, voilà, il y a des gens, tu sais, qui se marient avec des objets, qui font ce genre de choses, donc tu dis, oui, bon, congeler un chat, bon, si tu veux. Ça aurait été un être humain, j'aurais dit c'est tranquille. C'est presque un mardi normal, quoi. Aux États-Unis. Non, mais on n'a pas la nationalité de la dame au chat, non? Écoutez, je vous donne que le titre de l'actualité. Okay. Après, donc, attends, on peut pas piocher de détails. Est-ce que vous voulez que ça veut dire qu'il a pas réfléchi? Est-ce que vous voulez déjà en virer une? Ou vous dites celle-là, elle est vraie? Ou Moi, je dis l'alligator, c'est vrai. Ouais, celle-là aussi, moi, je la sens vraie. L'alligator, elle est vraie. L'alligator est vrai. L'alligator est vrai. Oui, c'est un ricain. Donc on l'enlève des fosses. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est une bafouille. Alors c'est la fosse. En vrai, c'est la fosse. Yes. C'est la seule fosse totalement inventée par moi. Je suis sûr que ça a eu lieu un jour. C'est juste que tu n'as pas. Genre le marathon sexuel, c'est possible. Alors ben, je vais vous raconter. Tu veux des infos? Du coup, il a fait. Un touriste allemand de 50 ans doit être amputé de son pénis, du coup, après des relations sexuelles en Italie pendant 24 heures, sous influence de la drogue. Voilà. Ouais. Voilà, il aurait passé une nuit très agitée avec sa femme, comme vous pouvez l'imaginer. Bah, au moins, c'est dans les lois du mariage, tout va bien. Exactement. Bon, il y a de la drogue, donc ne consommez pas. Mais donc, il a pris de l'ecstasy et il aurait eu des relations sexuelles pendant 24 heures. 24 heures, bravo en tout cas. Bravo déjà, un champion. Ouais. Mais je ne sais pas si vous avez vu en plus, mais en Suède, le sexe est passé comme sport. Ah ouais. C'est devenu un sport. Il y a une ligue. Et bah, tu rigoles, mais il y a un championnat de sexe qui s'est ouvert. Mais non. En Suède, voilà. Tu dis? Oui. Alors, vol Paris-Suède. Donc, c'est tout récent. Donc, non, ça pourrait fou. Être un champion, peut-être. C'est marrant déjà... de dire, genre, t'as une carte d'abonné, t'es licencié. Licencié sexe. T'es ceinture quoi? Tu vas à tes entraînements. Ah non, pas ce soir. Ah non, putain, j'ai pas envie. Et du coup, pour finir sur l'actualité, l'homme de 50 ans est resté dans un état critique durant une semaine et se trouve dans une unité de soins intensifs. Et son pénis va devoir être amputé. Et si on veut être encore plus précis, petit il a ange. Souffert d'une septicémie grave qui a entraîné la mort des tissus de son appareil génital. On n'est pas obligé d'être si précis. Et je vais finir de son scrotum, voilà. C'est vraiment, c'est docteur science, quoi. C'est... Et du coup, celle que je pense vous étiez dit, elle est fausse, de l'Américain qui a perdu 20 kilos en mangeant McDo. Improbable. Qu'est-ce qu'il a fait, celle-là est folle. Bah, celle-là est folle. On veut savoir, on est pendu à c'est un Américain de 57 ans qui a perdu 26 kilos en mangeant McDo 3 fois par jour pendant 100 jours. Ok. Il est passé de 108 kilos à 81 kilos. Donc, une. Ouais, belle perte. Ouais, c'est pas les plus faciles en plus. Et il raconte que sa femme, qui l'a rejoint à mi-parcours, a perdu 9 kilos. Mais c'est la pub pour McDo, ça, en fait. Il n'est pas sponsorisé. En tout cas, on n'est pas au courant. Et du coup, pendant ces 3 mois, il s'est appliqué à ne manger que la moitié des commandes qu'il avait... En fait, il prenait que la moitié des commandes qu'il faisait habituellement. Il a gaspillé de la thune, en fait. Et bah non, parce qu'en fait, je pense qu'il avait une commande type, tu sais, McDo. Okay. Et en fait, il se l'échelonnait sur plusieurs jours. Voilà, c'est ça. Et du coup, il a... Il mangeait pas beaucoup, finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, de manière à réduire le nombre de calories ingérées à chaque jour, en fait, il réduisait sa portion, en fait. Ok, mais t'as dit ça, il peut le faire partout, même chez lui. Oui, pourquoi aller au McDo, en fait. En fait, il dit qu'il a réduit sa portion d'une demi-assiette à 3/4 assiette. Voilà. Ok. Et donc, il a fait la promo sur TikTok. C'est ça. Ça a fait un petit buzz. Surtout pour faire le buzz, je crois. Donc, il est pas sponsor, je fais des guillemets avec mes doigts. L'article est génial parce que c'est quand même marqué que les médecins ne recommandent pas ce genre de. Les médecins le détestent. Oui. Donc, voilà. Il dit par contre qu'il n'a bu que de l'eau pendant cette période. Voilà. McDo. Et ce qui est dingue aussi, c'est que son taux de cholestérol a chuté. Ouais, non, mais après, c'est ça, hein, c'est juste qu'il a moins mangé en fait. Oui, ça, il mangeait moins, il buvait de l'eau, et voilà. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire au McDo à la maison, c'était pareil. Donc, du coup, j'invite quand même nos auditeurs à ne pas du pas tout pas reproduire ce genre de pratique. que ce soit la première news comme la dernière. Oui. Mais là, manger McDo tous les jours, bien sûr, ce n'est pas conseillé. Donc, ni de faire de prise de soumission à des alligators. C'est pas conseillé. Alors, ni ça, ni de prendre de la drogue. Mais si. Ça a eu lieu. Moi, ça me fait une actualité, si c'est vrai. Oui. Et la quatrième, du coup, c'était attristé par la mort de son chat. Elle le congèle pour le garder à toujours. Ça, tu vois, je me suis dit, c'est trop facile pour que ce soit faux, en fait. Que t'avais inventé ça, genre tu fais croire que c'est trop facile et en fait c'est faux. Ben, en fait, ce qui arrive souvent, c'est que les gens empaillent. Oui. Mais congelés. Souvent, j'aime bien le souvent. Souvent, oui. Qui n'a pas d'animaux empaillés chez soi. Qu'on me jette la première pierre. Et du coup, c'est Soran qui a 35 ans, qui habite à Portland. Portland. Ah. Qui a eu un mal fou à se faire à l'idée du décès de son chat. Mm-hmm. On lui présente nos sincères condoléances, en tout cas. Donc son chat qui s'appelait Lucky, qui a vécu 16 ans quand même. Hein. Ah, belle berf. Belle petit minou. Hein. Et du coup, il a été mort à cause d'un chien. Donc un décès... Tué par un tragique. Oui, voilà. C'est un meurtre. C'est un décès brutal et violent qui a complètement dévasté Soran, qui ne pouvait pas se résoudre à entrer le félin pour faire son deuil. D'accord. Du coup, elle a révélé son processus de congélation. Tu veux encore aller dans les détails? Non, je ne veux pas aller dans les détails. Qui lui a coûté quand même 3 200 €. Mais voilà, elle aura Lucky toute sa vie. De l'argent bien dépensé. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on sait quand même qu'il trône désormais sur la table de chevet de Soran. Voilà. Il fait lampe. Il a mis une ampoule dans la bouche. Une ampoule sur le minou, quoi. Et donc, voilà. Mais du coup, il est plus congelé, alors. Il est... Si. Bah, peut-être qu'elle le ressort et après elle le recongèle. Peut-être qu'il est ciré. Mais ouais. Mais tu sais, ça marche. Tu sais, les aliments, il y a un truc qui dit que quand tu décongèles, tu peux plus recongeler. Oui, mais là, après, je pense pas qu'elle va le manger. Donc. Donc là, peut-être qu'elle décongèle le minou et après elle le recongèle. Mm-hmm. Ouais. Ouais, je. Ok. Oh, je crois qu'on veut pas savoir, en fait. Moi aussi, j'aimerais bien plus de détails quand même. Pratique. Bah, après, Marco, je t'invite et à nos auditeurs aussi d'aller voir. C'est un article que j'ai vu sur Démotivateur. .fr et il y a des photos de Soran avec Lucky qui a l'air en pleine forme comme vous le du journalisme d'investigation comme on l'aime. Exactement. Donc voilà, c'était le premier jeu pour se mettre un peu en jambes exactement. Et du coup, je vous propose une petite pause musicale. Avec plaisir. On va essayer dans chaque émission de faire un peu découvrir des sons peut-être d'artistes qui sont moins exposés à la radio. On va essayer, ce sera pas tout le temps. C'est toi qui le gère, cas chef. Et du coup, là, je vais vous mettre Varnish la piscine. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Non. C'est un artiste suisse qui est très influencé par Pharrell Williams et Tyler le créateur. Il vient de signer chez Headbanger. Ok. Mm-hmm. Et ah oui, je vous laisse découvrir ça. On découvre. Yo, baby, mets les grands phares, je vois leur visage quand ils passeront sous mes roues. Vrai bandit, j'incendie la zone où tu crois être safe et je m'étendrai tous les jours. Et ensuite j'irai pêcher mes péchés, je veux pas les égarer, l'océan n'a pas d'humour. Au final, attiré par les aves, j'ai trouvé mon paradis. Terme, j'ai pas les mots. Weston flex, j'suis dans mon élément. Think straight dans tes sentiments. Négue, t'inquiète pas, la balle est dans mon camp. Dans 30 secondes, elle finira dans ta tente. Avoir ma gueule, il fait un temps de merde. Désolé, je suis juste impoli quand je vois tout le temps que je vais perdre à t'écouter. Dégâts causés par un missile. Je kifferais niquer le Mississippi. 666 sur ces bitches. Black sur le trône, queen avec des tresses. Loin du bas du bloc, mais je suis gangster. Tout en haut du globe quand les gens se crèvent. Faites avec des stars, ils passent du pop smoke. Fais pas genre tu viens, tu connais pas la Grèce. Dégainer le canon sur ces caniches. Ça sonne des mots qui me parlent. Bouche les deux oreilles si tu veux un conseil. Et à ce stade, y'a plus de comeback. Encore une autre vague. Prends une pause. Yo, on fera comme si on pouvait tout arranger. La guerre a déjà. Il est clair, putain, Shuriaki. Les gosses craignent, flow d'Illuminati. J'parle pas, j'suis reconnaissant. Force aux négros bêtes qui font tomber le plug. Dieu seul met la fin du scénario. Y'aura pas d'horaire, ça sera que l'horreur. J'aurais peut-être la haine encore au paradis. Si j'avais une place au paradis, j'lui demanderais c'est quoi ces maladies. Dégainer le canon sur ces caniches. Ça c'est mes démons qui me parlent. Bouche les deux oreilles si tu veux un conseil. Et à ce stade y'a plus de comeback. Encore une autre vague. Ça c'est mes démons qui me parlent. Bouche les deux oreilles si tu veux un conseil. Et à ce stade, y'a plus de comeback. Et voilà, messieurs, Varnish la piscine. Et bah, c'était bien sympathique. Excellent, ouais. Voilà, je vous invite à écouter ce qu'il fait. C'est vraiment très très cool. Et du coup, on va passer. Alors, c'est une grande première pour nous. C'est ému presque. C'est ça, c'est notre première fois. Dans Radio Fadjet, à Radio Fadjet, parce que dans c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Mais aussi dans les locaux de Radio Fadjet. C'est aussi la première de Marco. La première chronique. La première chronique de Marco. Ouais. Et du coup, on envoie le jingle de la chronique de Marco. Bonsoir. Vu ce qui se passe, en entendant ce qu'on entend, sachant ce qu'on sait, en anticipant ce qui va arriver, et sans ignorer ce qui s'est passé juste avant, il est temps, aujourd'hui, de vous présenter la chronique de Marco. Alors Marco. Eh ben merci de cet honneur. Dis donc, ça me, je suis ému comme vous, émoustillé même. J'ai envie de vous dire, c'est voilà. Bon, en tout cas, Valentin, il m'a amené le sujet comme ça. Il fait ça te dirait de faire une petite chronique. Moi, je fais oui, vas-y, chaud. Je pose pas de questions, mais j'aurais peut-être dû hein, parce que je savais pas que c'était à une radio, que je pensais que ça allait être dans notre salon, mais non. Le traquenard. Bon traquenard. Et en plus, je suis même pas payé, donc c'est cool. Mais premier truc qui me vient à l'esprit quand on me demande de faire une chronique, moi, c'est, je me dis, bon, bah, dernier truc que j'ai fait argumenter comme ça, c'était mon TPE en première, donc T'as repompé ton TPE. J'ai repompé mon TPE, donc voilà mon diaporama, j'ouvre mon petit ordinateur. Et donc mon TPE, vous voulez peut-être savoir le sujet quand même, première, c'est quand même hyper intéressant. Donc c'était le viaduc de Millau. Ah, nickel. Waouh, bon, là on a vraiment une émission en culture d'un coup là. Vous attendiez pas à ça, mais on va parler un peu du viaduc de Millau quand même. Et avant, j'ai oublié de me présenter quand même, parce que ma chronique, c'est pas juste la chronique de Marco. Ah non, il y a un titre. Il y a quand même un nom. Je me suis dit, on sait jamais si je dois me repointer ici, j'aurai un bon nom de scène. Donc je me dis, pourquoi pas Marco Conte? Ah, Marco Conte. Marco Conte. Après, aucune référence à personne d'autre. Je suis le premier à avoir ce nom-là. Si des ressemblances existent, c'est pas de ma faute. Franchement. Après, voilà, on verra avec un programme connu et entièrement fortuite. Ce serait vraiment improbable. Mais du coup, le viaduc de Millau, moi j'ai des questions. Est-ce que vous connaissez un peu le viaduc de Millau? Je crois que j'y suis allé quand j'étais très jeune avec mes parents en vacances. Mais en vacances au viaduc de Millau? C'est pas genre un pont ou un truc comme ça? Non, mais on est passé à côté, c'est pas un pont. Oui, effectivement. C'est un site touristique, rassurez-moi. Alors, c'est un viaduc, donc oui, c'est un grand pont. Ouais, d'accord. Oui, ça, après. C'est bien ça, je suis passé en vacances. Je sais pas, c'était pas ma destination, mais c'était l'étape du passage. Tu l'as pris parce que ça fait partie d'une autoroute. Ah, voilà. Alors, quel numéro d'autoroute? Waouh. Là, vous l'avez sur le bout de la langue, A75. Voilà, wow. Vous étiez presque. J'aurais dit 73 comme ça, peut-être, mais j'étais pas sûr. En vrai, tu l'as vu aussi, Marco, j'imagine, le viaduc, non? En vrai? Oui. Non. Photos, non. Parce que moi, je l'ai vu en vrai il y a quelques mois, là. Moi, je suis passé dessus il y a quelques mois, et c'est vraiment, c'est dingue. C'est gigantesque. Ah, bah oui, non, mais oui, c'est vraiment dingue. Non, c'est vraiment une. Du coup, tu veux pas reprendre sa chronique, vu que toi, tu l'as vu en vrai, lui, c'est un usurpateur, je sais pas. Toi, je te file mes notes, tu veux. Si ça vous embête pas, j'ai un nouveau pseudo. C'est Valentin Conte. Ou le copieur. Allez, continue de nous compter, Marco. Donc, première question. Deuxième question même, alors qui est l'architecte de ce... Waouh, Millau, au hasard? Non, ça c'est la ville en dessous. C'est dur d'être spécialiste en... Non, mais de connaître des architectes célèbres. Gustave Eiffel, voilà. Baron Hoffman, ou je sais pas quoi, là, Haussmann. Pourtant, c'est... Haussmann. Qui a fait tous les rues de Paris. Qui a détruit beaucoup de bâtiments à Paris. Ça, oui, j'aimerais bien savoir. Mais non, il s'appelle Norman Foster. Ok. Voilà, c'est un Anglais. Il a fait beaucoup de choses, comme le Millennium Bridge à Londres. Ah, ça, je vois. Ah oui, on le voit dans Harry Potter. Je pourrais donner d'autres exemples, mais je ne les ai pas écrits. Mais il va falloir que tu travailles, du coup, c'est bon. Non, si, il y a la banque... HSBC à Hong Kong, je sais pas si vous voyez ce bâtiment qui est assez atypique, non? Il doit être très bien. Enfin bon, après je vais pas j'avais noté peut-être le département, la longueur du viaduc, le nombre de piles, après bon, je vais peut-être passer ces questions là, ça a pas l'air de vous intéresser franchement mon sujet. Bah moi avant que tu continues, j'allais dire c'est quand même ouf quand tu es à ce niveau d'architecture. Et que tu fais que des trucs dingues, quoi. Quand tu fais le viaduc, que des ponts à Londres, tu sais, il y a un moment, t'es dans un statut de... Est-ce que c'est pas de l'audace, en fait? Est-ce que c'est pas, vu que t'es le premier à le faire, tu te sens pousser des ailes, tu peux tout faire? Je pense qu'une fois que tu commences à faire des choses qui sont hyper poussées, après, t'es appelé pour des projets. C'est l'ingénierie aussi. C'est le succès, de la personne. Je serais très curieux de rencontrer, tu vois, un architecte. Je crois qu'il n'est plus... celui-là... Norman Foster, je crois qu'il a 88 ans. Ah, il est sur ses deux jambes. Non, mais j'allais dire, je serais très curieux de rencontrer une personne qui est dans l'architecture et tu vois qu'elle nous parle de vraiment qu'est-ce qui fait qu'on devient un grand architecte. Il y a une école d'architecture pas loin, je suis sûr que tu peux contacter des personnes. À mon avis, dans le coin, il doit y en avoir. Cher auditeur, si vous faites appel à témoin. Exactement, pour la prochaine émission. Du coup, on continue. Du coup, je continue. Une dernière chose sur le viaduc de Millau, parce que quand même, ça, c'est que le début de ma chronique. Ouais, j'ai hâte. Donc, quel est le rapport entre la Meurthe-et-Moselle et plus précisément Frouard, parce qu'on est quand même dans une radio locale, je me suis dit une petite question locale. On nous écoute à 94. Donc entre Frouard et le viaduc de Millau, si vous trouvez, c'est un banger. Est-ce que on peut deviner? Vous pouvez deviner. Si trouve, c'est un rapport un peu avec la région. On serait dans l'équivalent de la masterclass, tu dirais? Qui a fait ça? Personne. Est-ce que c'est lié à l'architecte? La région ou... Non, c'est pas l'architecte, c'est le... L'entreprise qui a fait le pont. Oui, on peut dire l'entreprise. Genre, est-ce qu'il y a des pierres du viaduc Millau qui viennent de Frouard, peut-être? Une carrière de pierre? Non. Après, le pont, est-ce qu'il est totalement en pierre? Je sais pas du tout, moi. J'y suis allé, j'étais tout petit, moi. non, il est pas... Mais il était sur une bonne piste, on va dire, de matériaux, peut-être. Ok. Il y a un matériau qui a été utilisé dans le viaduc qui vient de Frouard. Ouais. On trouvait quel matériau? L'eau qui passe en dessous. Vous étiez chercher de l'eau de froid. Oui, c'est masterclass. C'est de l'eau de froid. La célèbre eau de froid. Oui. Je sais pas, il y a des tuyaux dans ce viaduc. C'est pas des tuyaux, c'est donc un matériau. Oui, du coup, c'est ça qu'on cherche. Oui. C'est un matériau. Franchement, du béton. Non. Quand tu regardes le viaduc, tu les vois bien d'ailleurs. Bah, c'est les câbles. C'est pas les câbles, c'est. Alors, si c'est pas les câbles, c'est. Alors, j'ai pas le terme, mais c'est ce qui tient les clous. Oui, les pylônes. Les pylônes. Exactement. Ouais. Ah oui. Ah. Donc, en fait, je vais vous donner la réponse. Bah, vous êtes, oui, là, on y est. Vous êtes pas loin du banger. Aux portes de la réponse. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Munch, qui est une filiale de Eiffel, Eiffage à l'époque. Mm-hmm. Enfin, bref. Non, mais on écoute. Qui a fabriqué les pylônes métalliques. Okay. Et donc, les pylônes métalliques viennent de froid, qui ont été envoyés au viaduc de Millau. Eh ben, on est super heureux de l'apprendre. C'est vraiment mais déjà ce qui est dingue, c'est comment tu transportes des pylônes comme ça. Je sais pas si t'as la réponse, mais En camion, j'imagine, tout simplement. Non, mais vraiment, c'est des convois exceptionnels parce que le pont est tellement énorme. Ah oui, alors le pont, tu veux connaître la longueur, parce que voilà, du coup, j'ai le on veut tu penses bien. C'est 2460 mètres, donc c'est pas à l'époque, c'était le plus grand viaduc quand il a été construit, parce qu'il a été construit en 2004. Maintenant je commence à... Il a été battu depuis, c'est ça que tu veux dire? Ouais, il a été battu par la Chine. Ouais. Ah, et bah non, forcément ils ont fait un pont encore plus grand, un viaduc plus grand. Ils nous prennent tout. Ils ont tout copié, déjà la tour Eiffel, tout, mais voilà, ils ont même copié le viaduc. Donc voilà. Magnifique chronique, elle est terminée cette chronique. Bah en fait ça c'était l'introduction, je me suis peut-être égaré. Non, si t'as encore la suite, on est pendu à tes lèvres. On pose aussi beaucoup de questions. Oui, mais ça fait plaisir. Non, au départ ma chronique, j'avais quand même un sujet un peu plus oui. J'avais un sujet plus intéressant. En fait, je suis tombé sur une vidéo YouTube qui parlait de d'arnaque SMS. Ah bah là ça m'intéresse. Ça t'intéresse. Le viaduc. Alors, c'était quand même mon affaire, mais... Alors je tiens juste à dire que quand j'ai fait ce TPE, t'as eu combien? J'ai eu une note moyenne 12, on va dire. Ah ouais, non. Et là, tu t'as vu cette note et tu t'es dit, tiens, ça, faut que je le partage à la radio. Mais bien sûr, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Donc, je me suis obligé, j'en parle. Nickel. Mais d'ailleurs, le professeur à l'époque qui me jugeait était totalement... avait une mine défaite quand je suis venu avec mon sujet, parce qu'il fait, ah, mais c'est le troisième cette année. Tout comme nos auditeurs. un sujet bien claqué pour l'époque. En tout cas, ça faisait plaisir. Mais donc, on revient sur cette vidéo. Donc, la vidéo, je suis tombé sur une vidéo de Micode, il s'appelle. C'est un youtubeur qui fait beaucoup de... Vous connaissez? Ouais, il est connu. Oui, il est quand même bien connu. Du coup, dans le monde informatique. Et là, il infiltrait l'arnaque SMS. C'est-à-dire que grâce à une découverte, en fait, tout part d'un article en décembre 2022 où, à Paris, un IMSI catcher a été découvert. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un terme technique, j'imagine. Ça a été découvert dans une voiture. Il y a une personne qui s'est fait interpeller et il y avait un IMSI catcher dans le coffre. Donc ça ressemble à une grosse bombe. Quand on ouvre le capot, on dit, mais il y a des fils partout, c'est un truc qui va exploser, mais pas du tout. Un chronomètre. C'est une antenne pirate qui envoie des SMS et qui aspire les données de notre téléphone. Donc c'était une voiture qui se baladait dans Paris et qui a permis d'aspirer des infos sur 16 000 téléphones. Donc Ouais, ça peut être des codes de cartes bleues, des numéros de téléphone, c'est surtout ça, des numéros de téléphone actifs au départ, qui est important. Et c'est aussi envoyer des SMS. Ok, d'accord. Donc là, c'est le genre de SMS qu'on reçoit tous. De l'assurance, une fois par semaine. Oui, vous n'avez pas récupéré votre colissimo. Merci de cliquer sur le lien. Et votre compte CPF. Voilà, oui. On invite tous nos auditeurs à ne pas suivre ces SMS frauduleux. D'ailleurs, il y a des SMS comme ça frauduleux, mais il y a des vrais SMS qui existent. Et malheureusement, ils en envoient encore des SMS. L'assurance maladie peut encore. J'ai ma théorie là-dessus. Je pense que dans la pub, quand ils précisent bien carglass.fr, je pense que c'est parce qu'il doit y avoir un carglass.com qui les qui les embête. C'est fort probable. Et d'ailleurs, un IMSI catcher, c'est même utilisé par nos forces de l'ordre et nos services de renseignement. Là, c'est impossible. Totalement. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Ouais. Mais donc, en tout cas, ce qui m'a étonné dans cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte de... Parce que c'est vrai qu'on sait tous qu'on reçoit des SMS, c'est chiant. Mais ce reportage est vraiment hyper intéressant parce qu'il infiltre vraiment ces gens-là, ce monde. Il découpe aussi, il nous parle de différents acteurs. Donc, il y a un spammeur, un fausseur, un shaker, un développeur, un hébergeur et une alloteuse. Et c'est toute une entreprise. Et c'est toute une organisation qui est derrière ça. Ils payent leur SAF ? On est d'accord que le checker n'a rien à voir là-dedans. Il fait juste des boissons pour le groupe. C'est le barman. Oui, c'est le barman, c'est ça. Et l'alloteuse, bon, ça j'en parlerai à la fin. Elle fait la loterie. Non, mais on a le spammeur qui envoie des SMS. Donc il y a des SIM qui sont professionnels ou des e-SIM qui sont même vendus sur le darknet qu'on peut acheter. Il y a le faussaire qui récupère des dossiers d'identité complets pour pouvoir revendre non pour pouvoir en fait avoir être crédible en fait non pour avoir des informations personnelles sur les gens et puis ça pareil c'est vendu sur sur internet donc par exemple si on va sur Le Bon Coin qu'on voit l'annonce d'un appartement qui est hyper intéressant qu'on cherche depuis des mois qu'on est voilà et on se dit oh, bah c'est quelque chose de sérieux mais en fait non c'est des gens qui vont récupérer nos infos personnelles et qui vont la crédibilité à l'arnaque en fait. Ça, et qui vont les revendre sur internet et ce sera utilisé par d'autres personnes dans pour des arnaques ou autre chose. Il y a toujours le truc alors ça a sûrement rien à voir avec ça mais de quand tu parles d'un truc quand t'es chez toi ou à côté de ton téléphone, oui, tu vas être sûr que le lendemain ou le soir même, t'as une pub ciblée. Ça, c'est dingue en vrai. Oui, non, ça c'est vrai. Après, ça c'est autre chose. Il y a des théories d'algorithmes comme quoi c'est genre même un algorithme qui t'a déjà calculé ce que tu veux plus tard sans même savoir que t'as déjà envie de ça. Tu vois. Après, est-ce que c'est il y a aussi le non il y a une il y a non, un documentaire sur par ça. Nous dans cette émission ah oui mais nous, on en parle mais il y a aussi le truc de je sais pas tu veux acheter un vêtement tu vas voir ce vêtement tu peux être sûr que pendant 15 jours tu vas le voir apparaître partout sur ton PC quoi ça c'est dingue non mais il y a plein de trucs comme ça il y a aussi les faits avec les sites de voyage où tu cherches un voyage tu cherches une destination un hôtel tu le trouves à tel prix au final tu te dis bon je prends pas aujourd'hui tu vas voir le lendemain et le prix va augmenter parce qu'il y a ton historique de les billets d'avion c'est exactement pareil ouais les billets d'avion il y a faut se mettre en navigateur privé pour prendre des billets d'avion tous les historiques etc ça aussi les VPN il paraît que c'est ça marche ça peut marcher ouais du coup ce n'est pas sponsorisé par NordVPN non il y a pas de oui bah après j'ai plein de choses à dire mais c'est vrai que je vais pas non mais est-ce que vous arriviez à quantifier le nombre de SMS ou d'emails que vous recevez moi c'est plus des appels énormément d'appels tout le temps. Qu'est-ce qu'on te vend? Fais-nous rêver. Je réponds pas. On veut rénover ta maison. Oui. On veut une formation. Tu veux une formation? C'est vrai que les appels, c'est devenu de plus en plus fréquent. Ouais, moi, j'en ai bien 3 par jour. Ah oui. Moi, je pense que j'en ai, même plus 6. Ah oui. Ouais. C'est fou. Dès que tu vois que c'est pas un numéro que tu connais ou c'est un 02, un 01. Du coup, vous faites quoi? Vous bloquez ou? Moi, je réponds poliment. Je parle pendant une petite demi-heure et puis je laisse partir la personne. Ça, il y a vraiment deux écoles. C'est les gens qui vont me dire, oh, moi, je l'ai envoyé péter. Et l'autre qui va prendre le temps, vous êtes quelle école? J'ai aussi des copains qui donnent des cousins qui donnent le portable à l'enfant. Et du coup, l'enfant, il garde le portable, il est content, il parle avec quelqu'un, et puis le gars, au bout du fil, j'ai toujours beaucoup de sympathie de me dire, peut-être qu'un jour, je vais être à leur place. Ah oui. Mais tu sais, au téléphone. C'est de la piètre estime de toi, quand même. Non, parce qu'il faut vraiment de tout, dans ce monde, et il n'y a pas de sous-travail. Là, on parle de fraude ou des trucs comme ça, donc. Non, mais tu sais, les personnes, parce que des fois, c'est juste SFR qui t'appelle. Oui. Et des fois, pour te vendre un produit, et t'as juste pas envie, et je me dis. Et tu les envoies, Je me dis, prends ton temps, juste de leur dire merci, mais je vais passer mon chemin. Merci, vous êtes une personne. Que j'adore. J'ai le raccrochage facile, quand même. Ah ouais? C'est vrai que moi j'étais comme ça au départ à répondre poliment, mais maintenant c'est pas trois par jour. Je réponds plus. J'avoue, vous faites harceler vous. Bah oui, non, mais c'est ça. Et il y a des moments, ça peut être vraiment des appels un peu importants, et tu passes à côté quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est n'a pas le temps ce canal-là. Donc voilà. Sinon, je peux vous parler donc du checker. Tu voulais savoir ce que c'était le checker. Qu'est-ce qu'il fait le checker? Donc il check. Il va créer des listes de numéros de téléphone. Okay. Donc, par exemple, il y a des logiciels qui ont été créés qui peuvent essayer de créer des comptes sur un site comme Amazon. Par exemple, quand vous avez perdu vos identifiants ou quand vous voulez créer un compte sur Amazon, ça va vous dire ce compte existe déjà avec ce numéro. Oui. Donc, il y a un logiciel qui existe qui arrive à mettre un numéro pour voir est-ce que ce numéro il existe ou pas. Okay. En fait, parce que s'il y a déjà un compte Amazon. Ce numéro, il a déjà un compte. Je le mets dans ma liste. Un client et en fait, tu peux envoyer un SMS. Et du coup, ça cible encore mieux les gens parce que t'as une liste de personnes qui. Ils savent que t'as été sur Amazon, donc ils peuvent t'envoyer un message en tant qu'Amazon, que ce soit Amazon, Darty, peu importe. Donc tu peux te faire avoir plus facilement. Donc ça, c'est un truc qui m'a surpris quand même. J'étais un peu choqué. C'est ça, c'est qu'il y a des années, t'avais des arnaques vraiment basiques, mal écrites. Et aujourd'hui, maintenant, t'as des trucs beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus crédibles, en fait. C'est comme ça que... Ces gens-là, au départ, ils viennent d'Île-de-France. Hein. Ils sont à Paris. Sûr. Ils ont leur voiture qui se balade dans Paris. C'est des gens qui sont à Paris. De plus en plus crédibles. C'est ça qui est de plus en plus flippant aussi. Parce que tu dis, avec les IA, ça peut encore monter d'un level. Quoi. Bientôt, ils vont dire vraiment des vraies infos sur toi. Genre, je t'ai vu hier à tel Intermarché. Bah avant, les fraudes, elles se faisaient à la porte. À l'ancienne, la belle époque. Ça toquait et tu vois, c'était la petite mamie. On fumait dans le resto à cette époque. Non, mais c'était vraiment comme ça. Maintenant, on a l'impression que un mail sur deux, c'est un truc frauduleux, quoi. Ouais. Bah, c'est même, oui. Bah, même c'est plus. Le cas. C'est même plus, ouais. C'est du spam, par définition. Mais il faut avouer que des fois, ils sont vraiment bah, trop forts. Bons, et ils viennent, ah, oui. C'est ça. C'est qu'il y a des années, c'était ton grand-père qui se faisait avoir. Là, ça commence à être ton père. Et là, tu commences à dire, eh, même moi, bientôt, ils sont pas loin de me choper, quoi. Ouais, parce que ça devient de plus en plus fort, quoi. Ouais. Vraiment. Oui, et d'ailleurs, j'ai même un pourcentage. Donc après, c'est une. Ça a été dit par une personne plus ou moins. C'est sourcé. Oui, c'est sourcé dans l'émission, dans son. Dans la vidéo. Ouais, voilà, c'est sourcé. Donc pour 1000 personnes, il y aurait 1,5. 1 à 1,5 de taux de réussite. De personnes. Donc ça ferait 15 personnes sur 1000, 150 sur 10 000. Donc ça peut être rentable au bout d'un ouais, certain temps. Parce qu'ils arrivent à envoyer 420 000 SMS en quelques heures. Donc c'est vite fait, hein. Est-ce que du coup, Marco, t'as le truc de. Que faire, tu vois, si ça arrive? Qu'est-ce ouais, que tu conseillerais? Il y a des choses à faire. Il y a des sites qui existent pour... bloquer déjà les numéros frauduleux. Pour envoyer, dire ce numéro m'a envoyé... Mm-hmm. Donc tu peux faire un screen de ce que tu as eu sur ton téléphone. Et le mettre, tu as des sites gouvernementaux après. Ok. Là, j'arrive à la fin de ma fiche, je ne l'ai pas noté. Il faudra vous renseigner. Il faudrait aller voir la vidéo de Micode qui est donc j'ai infiltré un réseau... d'arnaque SMS et lui il en parle un peu plus précisément. Pour nos auditeurs qui nous écoutent en voiture sur la douche ou n'importe où, tu conseillerais de faire quoi? De te renseigner en fait. Oui, c'est ça, il y a des sites, il y a un site en tout cas gouvernemental où tu peux faire un screen et dénoncer cette arnaque, ce numéro comme ça, si au bout d'un moment il y a plusieurs témoignages, bah il va être bloqué et nécessaire sera fait. Et moi, j'ai toujours envie de dire, si vous avez des doutes sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander un autre avis à quelqu'un. Voilà. Vous pouvez m'appeler, donc je vais dire 06. Voilà. Non, mais après, si vraiment il y a eu de la fraude et vous avez perdu de l'argent, allez porter plainte, tout simplement. Oui, hein, ce genre de choses. Hein, faut trouver des voies légales. Exactement. Parce que c'est vraiment c'est un crime. Enfin, pas un crime. Ah, mais c'est délictueux. Complètement. C'est ça. En fait, c'est devenu de plus en plus subtil. Avant, c'était donnez-nous vos codes de carte bleue. Donc là, c'était gros. Mais en fait, avoir les codes de carte bleue, c'est presque. Ils peuvent les avoir facilement parce qu'on peut se faire avoir sur une livraison Chronopost ou un truc comme ça. Et puis, on fait pas gaffe, on remplit un formulaire qui sera utilisé. Mais. Oui, là, ils vous appellent directement, ils vous font leur petit speech et on peut se faire avoir comme ça. Ok. Donc faites attention. Ouais. Ne validez que les choses que vous avez initiées déjà. Donc, c'est-à-dire que si vous avez commandé quelque chose, vérifiez que c'est bien vous qui l'avez commandé, etc. Ne donnez pas vos identifiants ou vos mots de passe à n'importe qui. Et normalement, ça devrait aller. Ben oui. Exactement. Et exactement. Voilà, ma petite chronique. Bravo. Bah, c'était bravo. Très bien. Deux thèmes complètement différents. Oui, j'aurais pu en garder qu'un seul. Mais bon, non, franchement, je pensais pas qu'on allait parler autant du viaduc, ça vous passionnait. Moi, j'aime bien la diversité. Bah, ouais. 12 sur 20. 12 moi, j'invite, 12... j'invite vraiment, s'il y a des architectes qui nous écoutent, à nous contacter sur notre page Instagram ou à Radio Fat Jet. Pour qu'on puisse en parler avec eux, c'est avec plaisir. Ils seraient bienvenus dans l'émission. Exactement. Mais moi, je vais plus enchaîner avec le thème de la tech, si ça vous va, parce que j'ai bien aimé ce petit thème technologique. Et puis, on va partir sur mon petit jeu. Quel est le titre? Allez. Bien, merci Michel et bonne chance. Je crois qu'il est temps de commencer cette nouvelle partie de Camoulox. Gaël, Michel, quel est le titre? Alors, quel est le titre? C'est un jeu assez simple. On reste dans le monde de la tech, comme je l'ai dit. Et du coup, on a vu ce qu'elle pouvait nous apporter d'un peu relou, cette tech. Mais maintenant, on va voir ce que le cinéma en a fait. Donc, le but du jeu, il est simple. Je vais essayer de vous faire deviner des films qui parlent de la technologie moderne, de l'Internet, de l'informatique, bref, de la vie 2.0. Mais le problème, c'est que ces films, je les ai vus il y a longtemps. Donc, voilà, je suis pas sûr de bien les résumer. Je vais un peu bafouiller, mais c'est aussi ça le but du jeu, c'est que ça soit pas évident. Okay. Il y a des films connus, il y a des films moins connus, mais a priori, je les ai tous à peu près aimés. Donc, je vous les conseille, et si vous les avez pas déjà vus, sauf un, mais je vous dirai pas lequel. Pour chaque film, les amis, je vous demanderai bien sûr, après avoir deviné le titre, peut-être un court avis si vous avez vu le film, c'est toujours bon à prendre. Premier exemple assez simple. Donc, ça parle d'un gars un peu frustré qui aurait possiblement piqué ou pas l'idée d'un site internet un peu cool, mais qui maintenant n'est plus utilisé que par nos parents ou nos grands-parents pour fêter l'anniversaire de tonton Roger ou pour se plaindre de la politique. Moi, je l'ai. Vas-y, Marco. Le titre exact du film. C'est le titre. Ah, le titre exact. Tu l'as pas alors. Je connais le film, mais oui, c'est sur Facebook. Oui, bah, du coup, le titre. The Social Network. Merci. Voilà. je vais donner les idées. Tu donneras le titre de film. Ça me paraît pas mal. Voilà, c'est un travail d'équipe. C'est un duo. J'aime ce que je vois. J'aime cette dynamique. Est-ce que je peux prendre la place de Morgan? Du coup, vous avez vu ce film, vous l'avez bien aimé? Oui. Ouais. Moi, je l'ai très grand film. Très grand film. Moi, j'essaye de le voir une fois par an. Ah ouais, ah oui, c'est le film que je fais. Ouais, ouais, c'est... le rituel. C'est... Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Ah oui, mais pourquoi? Pourquoi à ce point? Bah parce que déjà, c'est un très grand réalisateur, c'est David Fincher. Fincher, hein, ah oui. Et okay. Je trouve que le film est vraiment bien fait. Enfin, il y a aucune action, mais les dialogues, tout ça, c'est très bien écrit, la mise en scène. Et je trouve que l'histoire est folle, moi, l'histoire. Il se fait voler. L'histoire de droit, l'histoire de création. C'est ça. Après, tu vois vraiment toutes les étapes. Oh, le spoiler. Il y a de la fiction, bien sûr, mais c'est quand même bien fait. Le prochain film, c'est un biopic fictif de ChatGPT, si ChatGPT avait eu une voix sexy et qu'on était resté un peu trop connecté. Alors là, moi difficile. Je pense que je savais que tu l'avais direct. Maintenant, on va essayer de Marco peut-être chercher un peu. Moi, ça me dit rien du tout, Si tu connais pas, je pense pas que tu l'aies. Val ouais. C'est Her. C'est Her, tout à fait. De Spike Jones. Avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson, du coup, qui joue. En fait, c'est un gars qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. D'accord. Parce que voilà, il communique vachement et il est assez par seul. Par message, gars. Du coup. Oui. Non, plus vocalement. Téléphone. Vocalement, si je me souviens. Oui, okay. En fait, c'est dans un futur, donc il y a des technologies qui sont faites où tu peux discuter. Tu discutes en fait, mais ouais. c'est plus vraiment le futur. C'est bientôt notre présent. Bah, c'est pour ça justement que j'ai inclus ChatGPT parce que je trouve que plus en plus on y arrive. Il suffit juste qu'ils mettent une voix sexy de Scarlett Johansson à ChatGPT. Mais après, c'est un nom. Les personnes comme ça qui ne tombent pas amoureux d'humains spécialement, mais d'objets ou de mécanique, la pansexualité, tout ça. Je crois que c'est pansexuel. Ouais. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je veux pas dire de bêtises. Un avis sur le film, Val, toi qui es fourré. J'ai plus trop. Je suis ok. Pas trop de souvenirs. Tu de le vois ce pas tous les ans celui-là. Mais tu vois, non. Mais en reparlant, c'était. Moi, j'ai beaucoup aimé. Du coup. Je sais qu'il est très réputé et beaucoup aimé. Donc. Pareil, c'est un film. C'est pas des films d'action, mais c'est des films qui se regardent très bien. Et du coup, je trouve en ce moment, il est de plus en plus d'actualité. Bah, tu peux redire le nom. Her. H-E-R. Avec Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson qui fait la voix de l'intelligence artificielle. On passe à l'animation avec un film qui parle de jardinage, mais aussi de croisière spatiale, d'une cure d'amincissement, mais ça marche pas énormément. Toy Story ? Non. un film d'animation dans l'espace. Il y a une partie dans l'espace, il y a une partie sur Terre. Pour le coup, on est dans Wall-E. Exactement. Il y a une partie jardinage. Parce mais oui, ils jardinent dans l'espace et ils jardinent sur Terre. Ils trouvent la dernière plante. Oui. Pour la radio, je spoil. Un avis sur Wall-E ? Ah, Wall-E, c'est très très bien. Je pense que c'est peut-être pas spécialement pour les enfants parce qu'il y a une double lecture qui est vraiment très forte. Mais le principe de la double lecture, c'est que ça marche aussi sur les enfants, je pense. Oui, oui. Mais c'est vraiment très bien. Ouais, non, c'est vrai que c'est un grand film. Mais j'ai que des grands films. On enchaîne et on reste dans l'animation avec un film un peu moins connu sur une famille un peu déjantée qui râle sur le nouvel iPhone. C'est un film sur une plateforme pour vous. C'est un film d'animation. C'est un film d'animation. Et alors, je vois ce que c'est, mais je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu ? Non, je l'ai pas vu. Qui râle sur les iPhones. C'est les Mitchell contre les machines. Les machines. Les Mitchell contre les machines, c'est un super film d'animation qui est sur Netflix, du coup. C'est fait par, je crois que c'est fait par Sony, donc ceux qui ont fait Into the Spider-Verse et tout ça. C'est vachement bien, c'est vachement drôle, c'est vachement bien animé aussi. Je le conseille à tous ceux qui n'ont pas vu, ça passe très bien l'heure et demie qu'ils proposent, ou là, deux heures. Et je le conseille. Pour celui-là, j'aimerais rappeler que je suis un peu fan de Star Wars, donc ça se ressent dans mon écriture. C'est un huis clos sur la naissance de l'amitié entre Poe Dameron, le général Hux et une Tomb Raider cybernétique dans une cabane au fond des bois. La tête de Val, j'aime bien. Pourtant, je suis sûr qu'il l'a, mais il l'a pas, mais je sais qu'il le connaît. Là, je vois pas. Alors, comme du coup, ça. Quand je parle des personnages, que ce soit Poe Dameron, général Hux ou Tomb Raider, c'est les acteurs en fait que je dénomine. D'accord. Avec c'est... Oscar Isaac. Angelina Jolie. Non. Alicia Vikander. Ah. C'est un du film... coup, le film, là, je vois pas. Alors, c'est un huis clos dans une cabane. Il y a la technologie aussi. C'est important, la technologie, dans ce film. C'est un huis clos... dans une cabane... Non, c'est pas une cabane, en vrai, c'est une hyper baraque. Waouh. Une grosse baraque, il y a... Ah, si. Il y a des robots et tout. Il y a un robot. C'est Ex Machina. C'est Ex Machina, exactement. C'est un super film. Tu pourras me dire peut-être le réel, si tu l'as. Parce que je sais que c'est un réel que tu suis beaucoup, mais là tu l'as pas. Ouais, bah moi j'avais vu le film à Gérardmer, au festival de Gérardmer à l'époque. Je crois qu'il était sorti un an après et j'avais adoré. Non mais tu me l'as, du coup mais tu me l'as vendu genre une semaine en revenant et je l'ai vu quand il est sorti et j'ai adoré aussi. C'est un de mes réals préférés mais j'avoue c'est que là Alex Garland. Alex Garland, voilà, tout à fait, qui a fait aussi une série que t'avais beaucoup aimé je crois. Et il a fait Devs, qui est une série géniale. Il a aussi fait Man qui est sorti il y a pas très Annihilation longtemps. Annihilation sur Netflix. Voilà. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est du film un peu d'auteur. C'est assez pointu, mais c'est vraiment très très bien. Sincèrement, Ex Machina, ça se regarde. Oui, je vous le conseille. On part sur un wooden it avec des mannequins de magasins de vêtements qui sautent partout et qui cassent l'audit du futur d'un gifleur fou. Ouh, alors. Vas-y, Marco. Redis-le, ouais. C'est un wooden it. Tu sais ce que c'est un wooden it? Non. C'est en gros un cluedo. C'est-à-dire qu'il y a eu un meurtre et on cherche qui a tué. Ok. Il y a des mannequins de magasins de vêtements qui sautent partout. Ça, c'est une image, parce qu'en vrai, c'est pas des mannequins. Ça me fait penser encore à Toy Story. Et il casse, à un moment, dans une scène très, je trouve, mythique du film, il casse l'audi du futur d'un gifleur fou. Et le gifleur fou, c'est une référence à un acteur qui a mis une gifle, du coup. Mm-hmm. Donc, l'acteur, c'est... Will Smith. Merci. Ah oui. Du coup, c'est un film avec... des mannequins de magasins, des robots. iRobot. iRobot. J'allais le chercher, celle-là. Je t'aurais dit, alors ça commence par. Il me faisait les lettres avec les mains. Je comprends pas. Tu sais, Village People, quoi. Le YMCA, mais iRobot. iRobote. Non, mais voilà. Du coup, iRobot, on a vu, on n'a pas vu. Ouais, c'est très cool. Mais je trouve ça. Ouais, on a vu, mais il y a longtemps. Mais c'est très longtemps, ouais. C'est un film qui est passé il y a longtemps. C'est quand Will Smith n'était pas dans la violence. Ouais. Bah, pour le coup, dans le film, un peu. Oui. Oui. Mais je trouve que c'est un beau film du dimanche soir, je trouve. Oui, c'est sympa. C'est un petit film avec une petite pizza, ça se passe bien. Non, c'est vraiment sympa. C'est sympa. On est sur une référence aux Anges de la télé-réalité saison -1, quand ça concernait encore qu'un seul type. Waouh, c'est un film là qu'on cherche ? C'est un film. Mais c'est les Anges de la télé-réalité saison -1, quand ça concernait encore qu'un seul type. Pour moi, c'est la première télé-réalité. Seul au monde. Non. The Truman Show. Oui, celui-là. The Truman Show, ouais. Seul au monde. Seul au monde, il n'y a pas de télé-réalité. Y a pas de... Oui, mais on le filme. Ah, tu voulais Koh-Lanta, du coup, toi, plus. Oui, voilà, on le filme un peu en permanence. J'aurais dit Koh-Lanta. Seul au monde, du coup. Ouais, super film aussi, je crois. Ouais, c'est très bien, Seul au monde. Je partais du Truman Show, pardon. C'est ce que je me disais. Truman Show, c'est très très bien. C'est très bien. C'est très marrant parce qu'il y a une série qui est sortie qui s'appelle Jury Dirty. Aux États-Unis, et en fait ça reprend un peu ce truc de The Truman Show, mais sauf que c'est une télé-réalité, et en fait c'est dans un tribunal, il y a plusieurs jurys qui sont tous comédiens sauf un qui n'est pas il n'est pas au courant. Voilà, c'est le speech et c'est un peu filmé un peu à la The Office, un peu en documentaire et tout, et il paraît que c'est bien fou. On enchaîne vite fait avec Mission Impossible, mais réalisé par Steven Spielberg. Indiana Jones. Non. Si je dis Mission Impossible. Minority Report. Voilà, merci. C'est pour l'acteur. Tom Cruise. Steven Spielberg, c'est Minority Report. Moi, un film que j'ai vraiment adoré. On m'avait toujours dit du bien, je l'ai pas vu pendant 10 ans, et un jour je l'ai maté, et genre je me dis, ouais, mais c'était trop bien, j'aurais aimé le savoir pendant 10 ans. Ouais, c'est vraiment très bien. T'en as un bon souvenir aussi, Marco De Minority Report. Ouais. Pas plus que ça. Je me souviens la scène du lait caillé. Il y a une scène où il boit du lait qui est passé depuis un moment. Elle est horrible. C'est un moment où il se fait enlever un truc des yeux. Je sais plus. Il a un truc. Ah. Il est aveugle. Il spoil. Bref. Oui. Il fait ça depuis le début. Hein. Oui. Franchement, désolé pour ceux qui vont juger, mais non, en vrai, je spoil très peu. Là, on parle d'un film et de sa suite tardive 30 ans plus tard. En gros, c'est le futur des années 80 versus le futur des années 2010, mais avec Indiana Jones dedans. Star Wars? Non. C'est bien tenté. Un film avec Harrison Ford. Oui. Où il est dans le futur. Ouais, c'est un futur dystopique. Ouais. C'est Blade Runner. Tout à fait. Blade Runner. 2049. Les deux, du coup. En gros, dans les années 80, on croyait que le futur c'était Blade Runner 1. Et dans les années 2010, on croyait que le futur c'était Blade Runner 2049. Après, le futur du premier Blade Runner n'est pas encore arrivé. C'est pour ça. Je les trouve un peu prétentieux là-dessus. On n'a pas encore les androïdes, on n'a pas encore tout ça. Mais des super films aussi. Il y en a un qui est mythique. Le premier, c'est quand même un monument du cinéma. Et le deuxième, c'est un super film de Denis Villeneuve. Il y a des films que j'ai moins aimé de lui, mais celui-là est très réussi. Enfin, c'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un jeu vidéo de bicyclette colorée. Et Daft Punk a fait une super BO pour le reboot raté. Ah oui. Daft Punk ? Ouais, Daft Punk. Vas-y, Marco. E-tron ? Non. T'y es ah, presque. Hein. Presque, t'enlèves le i. Ah, Tron. Tron. Oui. Tron et Tron Legacy, du coup. Ouais. Oui. Tron. Et, mais il y a The Weeknd qui a fait le. Ah ouais? Pour le deuxième, non? Non, c'est Daft Punk, pas pour moi. Non. En fait, il y a eu un premier Tron dans les années 80. Oui. Et il y en a eu un deuxième où les Daft ont fait la BO. Elle est super bien. Et il n'y en a pas eu d'autres. Mais il n'y a pas un film. Il avec... y en a un qui est peut-être en préparation. Ah, peut-être. J'ai entendu parler d'un projet. Parce que je crois que c'est The Weeknd qui fait. Alors, il n'est peut-être pas sorti. Peut-être mais... un suivant. Hein, qui ouais. sait. Peut-être que Marco a déjà une information que peu de personnes ont. Il est en relation avec les States. avec The Weeknd. Attends, je l'appelle. Deux petites secondes. Ben voilà, c'était un peu mon... Ok, c'était très cool. Mon quiz sur, cool. sur les films, et on a fini sur de la BO, donc on pourrait continuer sur de la musique, Val, si c'était pas le temps d'écouter. Exactement, je vais vous mettre un petit son. Alors, c'est un remix de Love. Je sais pas si vous voyez Love. Là. L-O-U-V. Non. Qui est assez connu. Je pense que nos auditeurs l'ont. C'est un remix d'Osserin. Ça s'appelle Enemy. Et je l'envoie tout de suite... I thought we said we're good. Was I misunderstood? You're looking at me so cold. After all that we've been through, how could you pretend I'm someone that you don't know? I'm so sick of planning all my nights round avoiding you, it's gotta end. We don't have to love again, I try. Dans le Biscast, et je vous propose, les amis, d'enchaîner tout de suite avec le SAV du bisque. Service après-vente bisque. Sheraf, tu connais pas Sheraf? C'est un groupe, ils étaient number one. Alors, le SAV du bisque, Mo, tu veux nous l'expliquer, vite fait ? Alors, le SAV du bisque, c'est les recommandations de fin d'émission. Ce sont les films que vous avez vus, les musiques que vous avez écoutées, les livres que vous avez lus, qui vous ont plu dans les dernières semaines et que vous voulez partager dans cette émission. J'aurai plein de choses à vous conseiller, surtout des jeux vidéo, puisque dernièrement, j'ai fait et j'ai énormément apprécié Star Wars Jedi Survivor, ou encore, évidemment, Zelda Tears of the Kingdom. J'ai aussi eu ma phase Spider-Man, puisque je me suis maté Spider-Man Into the Spider-Verse avant d'aller voir Spider-Man Across the Spider-Verse. Et puis, en même temps, je finissais pour la première fois Spider-Man et Spider-Man Miles Morales sur PS5. Mmh. Bah dis donc. Et beaucoup d'araignées, énormément d'araignées. J'ai fait des rêves d'araignées. Mais je vais plutôt profiter de cette tribune. Des cauchemars plutôt. Moi bon, ça va. Mais je vais plutôt profiter de cette tribune pour vous conseiller de regarder la brillante série qui vient de se terminer, Ted Lasso, sur Apple TV+. Que vous aimiez le foot ou non, vous aimerez Ted Lasso, puisque le principal dans cette série, ce sont surtout ses personnages. Que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, tout est super bien écrit pour qu'on les aime et qu'on ait envie de voler jusqu'à Richmond pour soutenir l'équipe locale. Vous avez vu Ted Lasso ? Vous avez aimé Ted Lasso ? Ouais, c'est très cool. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais regarder. Je te le conseille grandement. Ouais. Je le mets sur ma petite liste. Et bah, note-le. Marco, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Tu veux quoi ? Une émission ? Non, surprends-nous, le viaduc de... Je vous conseille d'aller voir le viaduc de Millau. On peut... S'il y a une série là, que je regarde en ce moment, c'est HPI. Ok. Une série française. TF1, avec Audrey Fleurot, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Qui est très cool, qui passe bien. Donc, c'est quoi, c'est du policier, C'est ça, c'est ce policier français et c'est plutôt bien tourné, les acteurs sont plutôt bien. C'est relativement humoristique, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pas, alors moi je connais pas, j'ai pas vu, mais c'est pas un genre d'un peu de mentaliste ou tout comme ça à si, la française. Bah, HPI en fait, c'est du coup Audrey Fleurot qui est haut potentiel intellectuel et okay. Qui arrive à quand elle arrive sur une scène de crime, elle voit un peu directement la réponse. Elle arrive à faire des liens improbables sur plein de choses et. Et donc, effectivement, c'est une enquêtrice 2.0, quoi. Ok. Je crois que c'est scénarisé en partie par Julie Anna du podcast 2 heures de perdu. Du coup, c'est trop marrant parce que je ne savais possible. Pas et j'ai appris ça après. Je trouve ça cool parce que c'est un podcast qui me plaît beaucoup. Ok. Val, donc, alors, je finis. Et t'as reco, Val, ouais. Alors, moi, c'est Platonique sur Apple Plus avec Seth Rogen et Rose Byrne. Platonique. Ouais. Qu'est-ce donc Platonique? C'est une série où en fait c'est deux amis qui se retrouvent après cette un peu de perdu de vue et ça parle de voilà de la quarantaine, de comment on traverse une rupture de couple et tout et voilà c'est très très cool. La série est en cours, elle est pas encore finie. Et c'est humoristique quand même. Ouais, c'est très léger, c'est humoristique, mais voilà, moi j'aime pas trop quand c'est trop niais des trucs comme ça et là ça allait pas du tout c'est donc plus réaliste. Exactement. Ok. Bah, voilà. Et bah, on va conclure tranquillement cette émission. Oui. C'était le premier épisode du Biscast sur Radio Fadjet. Exactement. Bah, merci à vous, bravo à vous. Bah oui, Radio Fadjet qui est, je vous le rappelle, plus qu'une radio, des fois que vous auriez oublié. La radio est captable au 94.2 en Lorraine ou sur fadjet.net partout en France. Je vous rappelle aussi que nous sommes trouvables sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, Facebook, en recherchant le Biscast. On remercie bien sûr notre cher chroniqueur Marco d'être venu avec de nous. De rien, avec plaisir. Et de nous suivre avec cette confiance aveugle qui le caractérise. Je continuerai, vous inquiétez pas. On remercie évidemment toutes les équipes de Radio Fadjet pour nous avoir prêté les locaux et le matos pour que cette émission soit le plus écoutable possible et dans les super conditions. Et enfin, on vous remercie tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'ici. Exactement. Merci Valentin. Merci Valentin. Merci Val, évidemment. Merci. Et je te laisserai le mot de la fin, ou plutôt la note de la fin, puisqu'on se quitte en musique. Alors à la prochaine, on se retrouve quand on se retrouve. Salut. Exactement, on finit avec un tube que tout le monde connaît, qui sent bon l'été. C'est Mojo Laylay. Allez, je mets les lunettes de soleil. À bientôt, prenez soin de vous. Salut. Ciao.